l'air jeune et bien moins fringant. J'ai calmé ma verve, loin sont mes opus d'antan, mes volets de bois vert. À l'aube de mes 60 ans, il faut que je préserve mon capital de mec charmant. Mais je bande toujours comme un cerf. Ah ouais, mais ça ne se dit pas, non, ça ne se dit pas. Cela pourrait me faire du tort. Ça ne se dit pas, mais sachez que moi, le Viagra, ben, j'adore. Le fantasme récurrent de notre société laborieuse est d'être un jour le regagnant de l'euro million, afin de pouvoir satisfaire sa vengeance minutieuse. Équipé d'un énorme gode ceinture, allez saluer son patron, ah là là. Mais ça ne se fait pas, non, ça ne se fait pas, parce que mon gars, ben, faut bien que tu bosses. Ça ne se fait pas dans ce sens-là, on n'encule pas son boss. Sauf moi. D'un ado prépubère, comme me branler dans un bénitier, et là sans aucun doute, tous les bigots s'acquittant du signe de croix vont me plaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous recouverts de mon foutre, miam miam. Ça ne se dit pas, non, ça ne se dit pas, ça ne se dit pas, il faut encore moins le faire. Ça ne se dit pas, mais pour moi c'est trop tard, j'irai brûler en enfer. Dans les dérives que l'inconscient colporte, chaque soir la grand-messe du 20h nous livre toujours le même prêche. Sur mon désir de bienséance, ma colère l'emporte, et voilà je rêve que je sodomise un soldat de Daesh. Aïe aïe, mais ça ne se dit pas, non, ça ne se dit pas, car si je dis ça je vais droit vers ma tombe. Ça ne se dit pas, car si je dis ça, demain chez moi y a une bombe. Aïe aïe aïe, mais ça ne se dit pas, car Al-Qaïda, ben, pas la même confiture. Ils ne pardonnent pas ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'humour, c'est sûr. Mais au fait, je suis con, non, mais je peux dire ça. Après tout, c'est pas une caricature, c'est juste écrit et ces gens.